Voici maintenant quelques fabliaux. Les fabliaux sont de courts récits en octosyllabes datant du XIIIe et du XIVe siècle. Parmi les quelques 150 qui nous sont restés, je vais vous en lire 6 dans la version qu'en donne Lagarde et Michard. Le mot « vilain » qui revient souvent dans ces textes est synonyme de paysan.